Chapitre 29e. Les ombres de Honeyfair. Il faisait chaud à Honeyfair durant le mois d'août. Les femmes restaient assises devant leurs portes, les enfants barbotaient dans le ruisseau, et les immondices épars sous la route exhalaient une odeur pénétrante. Charlotte Mathis, un mardi après-midi, travaillait activement. La porte de sa cuisine était fermée, mais la fenêtre était ouverte. Tout à coup, on leva le loquet et Madame Cross rentra, non pas bruyamment comme elle en avait l'habitude, mais d'un air inquiet et troublé. Madame Cross était dans l'embarras. Ses deux filles, Marianne et Amélie, avaient acheté ces jolies robes quadrillées avec lesquelles nous avons fait connaissance et les avaient portées à l'Alhambra. La réunion s'était passée à la satisfaction générale, ne laissant pour souvenir que quelques maux de tête et quelques ennuis pécuniaires de plus. Madame Cross entrait donc d'un air timide. « Charlotte, pour l'amour du ciel, prêtez-moi 5 francs, demanda-t-elle tout bas, comme si elle avait peur du son de sa voix. Je ne connais personne que vous qui puissiez me les prêter. Vous me devez déjà 15 francs, répondit Charlotte en arrêtant sa couture. Je le sais bien. Je vous payerai peu à peu 1 franc par semaine. Je suis à moitié folle. Le commis de Banks est venu hier, et mes filles et moi n'avions que 5 francs à lui remettre. Je suis horriblement en arrière, et Banks est tellement désagréable maintenant. Tant qu'on le rachète et qu'on les paye, les Banks ça va bien. Mais quand on est en arrière, il faut voir quelle mine ils vous font. Mais Amélie et Marianne ont rapporté samedi leur ouvrage, elles doivent avoir de l'argent. Et je voudrais bien savoir ce que nous deviendrions s'ils n'en avaient pas. Nous devons partout, à Madame Baffle, au boucher, au boulanger, de tous les côtés. Et Cross qui s'en va dépenser 4 francs au cabaret, ça nous prend l'argent que nous aurions pu employer à boucher un trou par-ci par-là et empêcher les choses d'arriver à ses oreilles. La moitié du ménage est au mont de piété, et je ne sais pas ce que nous allons faire, c'est à peine si je puis fermer l'œil la nuit. Charlotte était persuadée qu'à la place de Madame Cross, elle ne pourra pas le fermer du tout. Le pire, c'est que j'ai dû ôter les petits de l'école, je ne pouvais pas payer pour eux, et ils jouent toute la journée sur le chemin. Qu'est-ce que ces enfants font donc à l'école pour se salir de la sorte? Demande Cross quand ils rentrent. Oh, ils s'amusent un peu dans le ruisseau quand ils reviennent, que je lui dis, et ça les salit. Nous jouons un petit moment, père, qu'ils se mettent à crier quand ils m'entendent, et ils me clignent de l'œil pour me montrer comment ils attrapent bien le père. Charlotte secoua la tête. Je finirai. Finir? Je voudrais bien, allez. Les deux aînés vont travailler comme des négresses toute cette semaine et la suivante, mais ce n'est pas pour moi, c'est bien pour elles. Elles voudraient ôter de chez le gageur leur belle robe. Elles n'ont jamais que de belles choses par-dessus et des chiffons dessous. Fallait-il pas être folle pour s'acheter des robes de soie? Elles ont été en gage depuis, et Banks leur suce le sang pour se faire payer. Je finirai tout cela en le confessant Jacob, dit Charlotte, quand Madame Cross s'arrêta pour reprendre haleine. Il n'est pas méchant, et vous ne l'avez pas vu dans ses colères, interrompit Madame Cross, qu'il apprenne seulement que nous devons à Banks et ailleurs, et vous verrez s'il ne renverse pas la maison. Il se fâche d'abord, sans doute, mais une fois calmé, il verrait la nécessité de faire quelque chose et il vous aiderait. Si vous poussiez tous à la roue, vous vous libéreriez bientôt. Vivez le plus économiquement possible. Du pain et des pommes de terre, pas de bière, pas de viande, pas de bijouterie, et avec le reste de vos gages, commencez à payer, et vous serez tout de suite au clair. Madame Cross, consternée, regardait Charlotte. Vous êtes une fameuse consolatrice, Charlotte. Du pain et des pommes de terre, qu'est-ce qui pourrait s'en contenter? Quand les pauvres gens comme nous ont des dettes, c'est le seul moyen que je sache d'en sortir. J'aimerais mieux me passer de bien manger que d'avoir des soucis comme les vôtres. Votre avis est bon en parole, mais pas en action, Charlotte. Cross doit avoir sa viande et son fromage, et son beurre, et son sucre, et son thé, tout comme nous autres. Mais ces 5 francs, Charlotte, prêtez-les-moi donc, c'est pour le propriétaire. Nous lui devons tout un trimestre. Pour le propriétaire, répéta involontairement Charlotte, vous devez absolument le payer. Ce serait le pire de tout. Je le sais bien, il était malade hier. Il ne pouvait pas venir, mais il est venu aujourd'hui crier comme un aigle après nous. Voilà 3 semaines que nous ne l'avons payé. Et elle baissa la voix. Et je vous jure, Charlotte, que la vue de sa figure à notre porte me fait l'effet d'une médecine. Tout juste à présent, le voilà qui arrive. Êtes-vous prête, Madame Cross? Il me fait avec son air brusque. Je suis bien fâché de ne pas l'être, Monsieur Abbott, que je lui réponds. Mais je vous payerai la semaine prochaine pour sûr. Ça ne me va pas, il me dit. Il faut que vous me payiez à présent. Et où je m'en vais droit à votre mari. Ça m'a mis dans un état, mais un état. Car pensez, Charlotte, Jacob croit que le loyer est régulièrement payé. « Je sais bien ce que vous faites, » reprend ce vieux Grigou. « Vous autres femmes, à en effet, vous donnez tout votre argent aux Banks qui sont la peste de l'endroit, et vous ne me payez pas. » « Figurez-vous qu'il appelle les Banks une peste. C'est bien ce qu'ils sont, » dit Charlotte. « Quelle horreur, Charlotte ! Quand on peut se procurer quelque chose à crédit, il faut toujours que vous disiez un mot contre. Il y en a qui n'auraient pas un brin de robe neuve à se mettre sans eux. Abbott est allé chercher ses loyers, et il m'a dit qu'il reviendrait dans une demi-heure et que si je ne lui donnais pas un acompte, il aurait droit à Jacob, à sa fabrique. Prêtez-moi donc 5 francs, que je le paye une semaine, Charlotte. Je vous en remercierai toute ma vie. » Charlotte se leva, ouvrit un tiroir et donna 5 francs à Madame Cross, tout en se disant intérieurement que le propriétaire ne pourrait rien faire de mieux que d'aller, selon la menace, tout dénoncer à Jacob Cross. Madame Cross prit l'argent, soulagée de son inquiétude. Elle pouvait rester encore un moment à bavarder, car la demi-heure de M. Abbott ne s'était pas écoulée. « Dites donc, Charlotte, savez-vous, j'ai peur que notre Marianne et Benjamin Tyrrell se causent après. Vraiment, s'écria Charlotte, ce serait nouveau. Pas tant. Ils étaient toujours à se causer. Mais jusqu'à dimanche passé, je croyais toujours que c'était affaire de rire. Moi, je n'en veux pas entendre parler. Il a un très mauvais caractère et il ne gagne que 18 francs par semaine. Notre Marianne pourrait trouver mieux. Oui, certes. Elle est bien jeune pour se marier. Jeune? Je crois bien qu'elle est jeune, mais voilà. Les filles, dès qu'on leur parle de mariage, ne font plus qu'y penser. Marianne pourrait regarder bien plus haut que Tyrrell, si elle avait un peu de bon sens. Écoutez, Charlotte, quand vous la verrez, dites-lui-en donc un mot. Ça la fera peut-être changer d'avis. Dites-lui donc que Tyrrell n'est pas une perle. Et c'est vrai, dit Charlotte en riant comme sa visiteuse la quittait. Quelques minutes après, une autre commère arriva. C'était la femme de Mark Mason, grande et grosse femme aux cheveux rouges, à la voix commune. Elle se campa, les poings sur les hanches, devant Charlotte. « Pourquoi donc gardez-vous le soir notre Caroline ? » commença-t-elle. Charlotte la regarda avec surprise. « Je ne garde pas du tout Caroline. Elle vient ici de temps à autre, pas souvent. » Madame Mason se mit à rire d'un air de dérision. Je pensais bien qu'elle me mentait. La voilà qui sort tous les soirs, tous les soirs. Je l'ai dit à Mark, car je ne pouvais ni la garder, ni savoir où elle allait. Mark se mit dans une colère épouvantable. Elle a eu peur, car il l'avait prise vivement par le bras. « Je vais chez Charlotte Matisse, Mark, » qu'elle lui a dit. « Je n'y fais rien de mal. » Charlotte ne levait pas les yeux. Madame Mason restait debout d'un air de défi. « Maintenant, où est-ce qu'elle s'en va ? Pourquoi vous adressez-vous à moi, Henriette ? Je ne suis pas la gardienne de Caroline Mason. Si vous ne l'êtes pas, vous lui donnez des conseils, ce qui est encore pire. Quand je donne à Caroline, c'est pour son bien. « Eh bien, j'ai les yeux ouverts maintenant, » s'écria Madame Mason. « Qu'est-ce qui a donné ce châle à Caroline ? Qu'est-ce qui lui a donné cette belle robe et cette belle broche en or, qui est rouge et jaune avec un cupidon tout nu avec des ailes ?»« Une jolie broche que vous avez là, mademoiselle, » que je lui ai dit. « Oui, » qu'il m'a répondu, « on appelle ça des caméons. » « Et d'où l'avez-vous eu, je vous prie ?»« Ça me regarde, » qu'elle m'a fait. Après cela, elle avait un mouchoir de cou, vert et jaune, avec une frange large comme mon petit doigt. « Vous allez vous faire un joli compte, Banks, ma belle dame, » que je lui ai encore dit. « Ce n'est pas vous qui paierez, » qu'elle m'a dit. « Non, que je me pense, mais vous demeurez chez nous, et vous finirez par donner de l'ennui à Mark. Il est beaucoup trop bon, quelquefois. » Alors je m'en vais chez Banks. « Ouvrez votre livre de compte, jeune homme, » que je dis à celui avec des cheveux noirs qui est derrière le comptoir. « Et dites-moi combien Caroline Mason vous doit. »« Est-ce que vous êtes venu pour régler ?» qu'il me fait. « Peut-être que oui, peut-être que non. Mais répondez-moi-y d'abord. »« M'écoutez, Charlotte ?» Charlotte leva les yeux. « Oui. » Le voilà qui prend un gros livre, continua Madame Mason, qui s'excitait de plus en plus, et qui passe son doigt sur les pages. « Caroline Mason, » qu'il faisait. « Elle ne nous doit rien. Non, c'est effacé. Elle nous devait une bagatelle, mais elle nous a payé la semaine passée. » J'étais à regarder cet homme, croyant qu'il me trompait. « Quand est-ce qu'elle a payé ce châle qu'il a acheté cet hiver, et combien qu'il coûtait, que je demande ?» « Un châle qu'il fait. Caroline Mason n'a pas acheté de châle chez nous. Ni une robe à Pâques, ni une broche caméon la semaine passée, ni un mouchoir à franges jaunes, rien de tout ça, » qu'il me fait sérieusement. « Elle a pris du ruban, mais elle l'a payé depuis longtemps. » « Maintenant, qu'est-ce que je dois en penser ?» acheva Madame Mason. Charlotte ne savait pas. Je rentrais chez vous en réfléchissant quand, au tournant de l'avenue, j'aperçois un certain monsieur qui se pavanait dans l'ombre. La vérité m'est tout de suite venue. Il est après notre Caroline, et c'est lui qui lui a donné toutes ces belles choses. Nous allons voir un beau spectacle. » J'accusais Lisa Tyra d'être sa confidente. Elle m'a dit « C'est pas moi, c'est Charlotte Matisse. » Ainsi, je me suis calmé et je suis venu vers vous. « Je ne puis rien vous dire, » répliqua Charlotte. « Je ne sais rien moi-même. J'ai donné dernièrement quelques bons conseils à Caroline. Vous savez bien, Henriette, que je ne veux que son bien. » Dans un autre moment, Madame Mason n'aurait pas manqué de le reconnaître. Pourquoi donc Elisa Tyrant m'a-t-elle ri après? Et pourquoi Caroline m'a-t-elle dit qu'elle passait ses soirées ici? Cria-t-elle. Le monsieur que j'ai vu était le jeune monsieur Anthony Dare, et Caroline ferait bien mieux de s'enterrer vivante que d'écouter ses folies. Beaucoup mieux, murmura Charlotte. Où est-elle? Sous clé. Sous clé? Oui, sous clé, et elle y restera. Elle a été courir toute la matinée avec Elisa Tyrant. Il n'est rentré qu'après que Marc avait dîné. Alors j'ai commencé, j'étais monté, je ne l'ai pas épargné. Je lui ai juré que je dirais à Marc ce que j'avais vu et entendu, et par quel animal elle se laissait faire des cadeaux. À cela, elle s'est mise en colère, elle s'est sauvée au grenier dans sa chambre, je l'ai suivie et je l'ai enfermée à clé. Vous avez très mal fait, dit Charlotte. Ce n'est pas par la sévérité qu'on peut corriger Caroline, vous la connaissez. Par l'affection, un enfant pourrait la conduire, et elle se raidit contre la dureté. Mon avis est qu'elle ne vous aurait jamais donné de l'ennui, si vous lui avez rendu la maison plus heureuse. Cette franchise stupéfia Madame Mason. La maison plus heureuse? Cria-t-elle quand elle put parler. Plus heureuse? Il fallait la nourrir de pois chiches et de tourtes abricots, et lui donner une femme de chambre pour lui porter la queue de sa robe. Je ne parle pas de la nourriture ni de la toilette, reprit Charlotte. Si vous l'aviez traitée amicalement, au lieu de lui parler toujours avec aigreur, elle aurait été la meilleure fille du monde. Au lieu de cela, vous lui avez rendu la maison si insupportable qu'elle vous quitte pour se faire compter Florette par le premier venu. Retournez chez vous. Ouvrez-lui la porte, Henriette. Parlez-lui avec bonté. Traitez-la comme une sœur et vous pourrez encore réparer le mal. Certainement non, répondait Madame Mason avec colère. Je vous verrai pendue toutes les deux avant de lui parler avec bonté, de l'encourager dans ses infamies. Madame Mason sortit, fermant derrière elle la porte de la maison par un violent coup de pied, qui n'eut d'autre effet que de la rouvrir toute grande. Charlotte se leva en soupirant, non seulement à la pensée du péril que courait Caroline, mais aussi de l'aveuglement général et du peu de distinction que les femmes de Hanover semblaient faire entre le bien et le mal.